suis le commandant Shepard et cette émission est ma préférée de la Citadelle. J'attendais avec impatience, vraiment depuis le début de votre émission, que vous parliez de Mass Effect et bien c'est chose faite. Je vous remercie. Et comme dirait le commandant Shepard, bon, bien sûr, en anglais, évidemment. I should go. Bonjour, Blockbuster. Donc, c'est Léa du sud de l'Aisne. Voilà, j'étais toute excitée avec cette émission sur Mass Effect. Et je me suis fait la réflexion qu'il y a d'autres jeux vraiment excellents dans le même genre que Mass Effect, en tout cas pour tout ce qui est de choix avec des impacts sur le scénario. Et je suis étonnée que vous n'ayez pas cité les jeux de Larian Studio. Parce que vraiment, moi, j'ai jamais vu des jeux où un choix me faisait autant flipper et où je faisais autant de sauvegardes pour me dire, bon, là, si je me plante et qu'il arrive un truc que je voulais pas, je peux reprendre ma sauvegarde d'il y a une heure et puis de tout recommencer. Voilà. Une bonne soirée et puis à bientôt. Blockbuster, c'est mon émission préférée de toute la Citadelle. Ouais, salut l'équipe de Blockbuster. Non pas que je sois adepte des théories du complot, mais bon, vous allez me dire... Combien chose Frédéric Sigrist? Bah du 42, 6 x 7, 42. Combien y a-t-il de lettres dans les phrases « On veut Blockbuster en quotidienne dès la rentrée » ou bien « Sigrist et Dedo dans Blockbuster comme par hasard » Bah 42, comme par hasard. To be or not to be. Depuis 6 ans, à chaque fois que je rencontre un auditeur de Blockbuster, j'ai souvent droit à la même question. Mais vous avez vraiment le temps de tout voir ? Alors déjà, il faut que je vous explique. À quel point le manque de sommeil, de vie sociale et amoureuse, le fait de ne pas fumer et de ne pas avoir pratiqué de sport pendant toute mon adolescence dans une banlieue de l'Est de la France, peut vous dégager du temps pour plein de choses. Ensuite, je vais pas vous mentir, j'ai un rapport un peu compulsif à l'accumulation de livres, bandes dessinées, Blu-ray, jeux vidéo et mangas. Si je me réincarne un jour, ça sera en entrepôt Amazon. Mais des fois, sur certains sujets, j'avoue, je suis démuni. Comment ? Vous n'avez jamais lu L'Assassin Royal de Robin Hobb ? Mais c'est la base ! Eh ben non, je l'ai pas lu. Il y a eu un moment, j'ai fermé les yeux, 2 secondes, j'étais interdit bancaire, je suis passé à côté. Et je découvre le sujet en même temps que les auditeurs. Et c'est à peu près le cas du sujet d'aujourd'hui. Depuis plusieurs années, je reçois des messages cryptiques à base de « 42, la réponse à toutes les questions ». Bon, je me dis, bah si, c'est des passionnés de Blockbuster. Mais il y a des moments, je me dis, ah, c'est des passionnés qui font un peu peur quand même. Hein. Parce que quand c'est tous les jours, je veux dire, quand est-ce que vous consacrez un Blockbuster à H2G2, le guide du voyageur galactique ? Quand ? Et bah pourquoi pas maintenant ? France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Il y a des millions d'années, une race d'êtres pandimensionnels hyper-intelligents en eut tellement marre de se chamailler à propos du sens de la vie qu'elle confia à deux de ses éminences grises les plus éminentes la conception et la fabrication d'un super-ordinateur capable d'expliquer par un simple calcul le sens de la vie, de l'univers et de tout ce qui est. Oh, pensée profonde, nous te demandons de nous donner la réponse. La réponse à quoi ? La réponse au sens de la vie, de l'univers et de tout ce qui est. Nous souhaiterions une réponse simple et concise. Il me faudra y réfléchir. Revenez ici même dans exactement 7 millions et demi d'années. Alors qu'il n'a que 25 ans, l'anglais Douglas Adams invente un feuilleton radiophonique de science-fiction pour la BBC. Le guide du routard galactique. Très vite, la série devient culte, puis évolue en un livre publié en 5 volumes, puis une pièce de théâtre, puis une série télévisée, puis un film et même un jeu vidéo. Et pour revenir sur ce monument de la culture anglaise, au même titre que les Monty Pythons ou les Doctor Who, j'ai avec moi Romain Nigita, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes journaliste spécialiste des séries télé pour le JDD et Téléstar et co-auteur du livre Séries d'anatomie, le 8e art décrypté aux éditions Fantasque. C'est bien ça. Avec nous également Pascal Godbillon, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes responsable de la collection Folio SF chez Gallimard. C'est ça. Et enfin Nicolas Botti, bonjour. Bonjour. Vous avez traduit, réalisé et produit la série radio H2G2 originale en français, mais c'est pas tout. Vous avez travaillé sur la traduction française du film H2G2. Et enfin, vous êtes grand maître du grand ordre de la serviette depuis 2008. Oui, tout à fait. Peu s'en faut. Maintenant que l'équipe est au complet, en route pour le voyage galactique. Le guide du voyageur galactique est un ouvrage tout à fait remarquable. Certainement celui qui a connu le plus de succès dans les annales des grandes maisons d'édition de la Petite Ourse. Plus célèbre que l'anthologie de gestion domestique céleste, plus vendu que les 53 nouvelles idées pour s'occuper en apesanteur et plus controversé que la trilogie des best-sellers philosophiques de Houlon Colufide, Là où Dieu s'est trompé, Les nouvelles grandes erreurs de Dieu et Mais enfin, qui est Dieu ? Il a déjà supplanté l'Encyclopédia Galactica comme dépositaire classique de la sagesse et de la connaissance. Et ceci pour deux raisons importantes. La première, c'est qu'il est un tout petit peu moins cher. Et la seconde, c'est que les mots « pas de panique » qui apparaissent sur la couverture sont distinctement visibles et fort rassurants. Romain Nigita. Oui. Lourde tâche que d'expliquer aux néophytes ce qu'est le guide du voyageur galactique. Ce qu'est le guide, l'histoire de la série ou ce qu'est le guide dans la série, Frédéric ? L'histoire de la série et ensuite on fera sa genèse. L'histoire de la série, c'est le voyage malgré lui d'un terrien qui découvre qu'on n'est pas seul dans l'univers, tout simplement. Il découvre ça quelques minutes avant même que la Terre ne soit détruite. Spoiler, ça se passe dès le début. Il s'aperçoit que son meilleur ami est en fait un extraterrestre et il va le sauver. Contrairement donc à la Terre qui est détruite, tout simplement parce que on n'était pas au courant, nous les terriens, mais il y a une route galactique qui devait être construite à cet endroit-là. On aurait dû se renseigner. Il y avait des plans sur notre planète. On n'était pas au courant. Donc la Terre est détruite. Lui est sauvé grâce à son pote qui lui est un extraterrestre qui écrit pour ce fameux guide du routard intergalactique, donc qui connaît tous les bons plans, et donc ils vont vivre plein d'aventures au cours desquelles ce personnage, cet humain Arthur Dent, va découvrir avec nous les mystères de l'univers et le côté loufoque de l'univers tel qu'il a été conçu par Douglas Adams. Et alors justement, Douglas Adams, je vous pose la question, qui est-il ? Nicolas Botti ? Oui, alors c'est un Anglais né à Cambridge, en 1962, si mes souvenirs sont bons, et qui, disons, il a fait ses études d'anglais à Cambridge, et donc il était très fan des Monty Python, clairement. Donc il a fait partie de quand il était étudiant à Cambridge, de la troupe des Footlights. Les Footlights, c'est une troupe à Cambridge où de comédiens amateurs, également étudiants, mais par 80% des comiques anglais sont passés par ces troupes. Autant vous dire que c'est très important, et dont de Monty Python. Et donc, Douglas Adams à l'époque était convaincu qu'il était John Cleese parce que il avait à peu près la même taille que lui. Il était très grand, donc forcément il était très drôle. Manque de peau pour lui sur scène, il était très maladroit et chacune de ses apparitions se terminait par une catastrophe qui aurait pu être drôle, mais le problème c'est quand c'est pas prévu, c'est pas forcément, ouais, c'est moins drôle. Donc du coup, il s'est rendu compte assez rapidement que son avenir sur scène était... il avait peu de chances de continuer. Donc, il a commencé à écrire des sketchs, mais il a eu beaucoup de mal à percer. Et il a eu un partenariat avec Graham Chapman, qui est Brian dans The Life of Brian, donc il est un des Monty Python. Donc, il a eu l'occasion de rencontrer ses idoles. Et ils ont essayé plusieurs choses ensemble. Ils ont fait des pilotes pour des émissions de télé. Douglas Adams a coécrit l'autobiographie de Graham Chapman. Voilà, ils ont travaillé pendant 2-3 ans ensemble. Et puis il s'est rendu compte, Douglas Adams, que ça ne menait à rien. Alors il a enfilé les petits boulots. Il était à Londres, il a enfilé les petits boulots, il a travaillé dans les usines de poulet, il a été garde du corps, ce qui posait à peu près les mêmes problèmes que quand il était sur scène, c'est-à-dire qu'il était maladroit. Mais quand on est maladroit, quand on blesse la personne qu'on doit protéger, c'est jamais bon. Tout à fait, donc ça, des expériences professionnelles qui tournaient court à chaque fois, et donc il est retourné chez sa mère, vivre chez sa mère à Cambridge, complètement dépité et complètement démoralisé. Et c'est là que Simon Brett, qui était l'un de ses copains à Cambridge, qui lui avait travaillé à Radio 4, donc qui est un peu l'équivalent de France Inter, mais pour les Anglais. Et donc, il lui a dit, mais pourquoi t'écris pas une série radio? On cherche des idées neuves. Et là-dessus, Douglas Adams était tellement déprimé à cette époque-là de sa vie, et il a repensé à une histoire qu'il a eue, il avait imaginé pourquoi on ne fait pas on n'a jamais fait de guide galactique de l'univers, alors qu'il y en a pour chaque pays du monde, mais pas pour l'univers. Et c'est une idée qu'il avait eue dans un champ en Allemagne, complètement bourré, et voilà, en regardant les étoiles. Et en gros, il s'est rappelé. Oui, rares sont ceux qui ont cette idée-là quand ils sont sobres. Ouais, non, c'est sûr. Oui, voilà, là, il fallait déjà être un peu parti. Et donc, son idée de départ, c'était au bout de chaque épisode, se terminait par la destruction de la Terre. Et là, on lui a dit, écoute, c'est peut-être un peu négatif ton truc, faudrait peut-être quelque chose d'un peu plus drôle et positif. Et donc, du coup, la Terre, elle est détruite, mais au bout de 5 minutes, après, on passe à autre chose. Ce qui est une nette amélioration. Pascal Godbillon, ouais. Quand le livre, enfin, quand c'est devenu un livre, comment il a été reçu dans le monde de la science, de la littérature de science-fiction? Je pense que ça a été progressif, mais il y avait une attente pour les connaisseurs, très clairement, et il a pas été traduit tout de suite, hein. Il y a eu 2 ans, je crois, ou 2-3 ans entre le moment de la parution en anglais et la traduction. Mais très vite, c'est quand même devenu culte. Alors, moins énorme que ce que ça peut être dans le monde anglo-saxon, en France. On en parlera peut-être. Il y a peut-être des écueils. Un, de la traduction de l'humour anglais en français. D'ailleurs, pas qu'en français, parce que Nicolas confirmera, je crois qu'aux États-Unis, ça c'est pas du tout aussi culte que ça l'est dans le monde britannique. Britannique. Mais très vite, malgré tout, c'est devenu une bonne vente de la collection Présence du Futur aux éditions de Noël à l'époque, quand c'est paru, quand les 3 premiers sont parus, en tout cas. Et puis les suites également, mais un peu plus tard. Et non, oui, tout de suite, il y a quand même eu, et les témoignages que vous évoquiez tout à l'heure le prouvent, et c'est toujours le cas, une masse de fans qui s'échangeaient entre eux ces codes que eux seuls maîtrisent, les pas de panique et les 42, etc., etc., quoi. Et Roman Higita, il y a aussi eu cette période dont on n'a pas parlé, où Douglas Adams a écrit pour un autre grand héros de la télévision anglaise, auquel on a déjà consacré un blockbuster, qui s'appelle Doctor Who. Tout à fait. Ben, en fait, c'est la même période. C'était ça le grand problème de Douglas Adams, c'est qu'il a eu grosso modo 3 années pendant lesquelles il a plus bossé que pendant tout le reste de sa vie. Parce qu'en fait, il écrit d'abord le pilote du Hitchhiker's Guide. Je crois même d'ailleurs qu'ils enregistrent ce pilote. Et en attendant de savoir si la radio britannique allait lui commander la suite, diffuser la suite, il envoie quand même ce pilote à la production Doctor Who pour dire, bah voilà, regardez ce que je sais faire, j'aimerais bien bosser pour vous. Et il y a la réponse positive des deux en même temps. C'est-à-dire, en même temps, on lui dit, ok, écris-nous le scénario pour Doctor Who, et ok, tu fais les épisodes suivants du Hitchhiker's Guide. Donc un peu panique à bord pour le monsieur. Sur Doctor Who, en plus, il est non seulement scénariste, mais il est story editor. C'est-à-dire que, en fait, il gère un peu les autres scénarios. C'est-à-dire qu'il reçoit les pitchs des autres scénaristes, il relie les scénarios qu'on lui envoie, voire même il les corrige. Ce qui l'a amené notamment à réécrire de fond en comble un des scénarios qui donnera l'un des meilleurs épisodes, qui s'appelle City of Death, et qui est tourné véritablement à Paris, dans les rues de Paris. Et dans le dernier épisode de cette histoire, il y a carrément John Cleese qui fait un petit caméo. Nouveau clin d'œil, évidemment, au Monty Python, puisque même dans son travail avec les Monty Python, même Doctor Who, on trouve déjà des traces du Hitchhiker's Guide. On disait tout à l'heure, au départ, il voulait que Hitchhiker's Guide, chaque épisode se termine par la destruction de la Terre. Mais en fait, ça, il l'avait déjà fait dans le fameux pilote qu'il écrit avec Graham Chapman, dans un sketch dans lequel il y a déjà l'acteur Simon Jones qui jouera Arthur Dent dans la version radio et dans la version télé du Hitchhiker's Guide, et un sketch qui se termine à nouveau par la destruction de la Terre. Tout ça causé parce que c'est un personnage qui chope une fleur pour la offrir à son petit ami. La police débarque, notamment un flic joué par Graham Chapman, la police, le GIGN, les bombes nucléaires, et voilà comment on en vient à détruire la Terre une fois de plus. Il est un fait important et bien connu. C'est que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles nous paraissent. Par exemple, sur la Terre, l'homme considère depuis toujours qu'il représente l'espèce la plus intelligente qui ait jamais peuplé la planète, et non pas la 3e espèce la plus intelligente. Les 2e créatures les plus intelligentes sont bien sûr les dauphins, qui, curieusement, savent depuis longtemps que la destruction de la Terre est aujourd'hui imminente. Ils ont tout essayé pour alerter l'humanité du danger qui la guette, mais leurs efforts ont le plus souvent été interprétés comme autant de tentatives amusantes pour taper dans une balle et obtenir des friandises. Ils décidèrent finalement de quitter la planète par leurs propres moyens. L'ultime message laissé par les dauphins fut perçu comme une tentative singulièrement élaborée de double saut périlleux arrière à travers un cerceau tout en sifflotant l'hymne américain. En réalité, leur message était le suivant « Salut et merci bien pour le poisson ». Blockbuster. Frédéric Sigrist. Sur France Inter. Salut et merci pour le poisson. On doit s'en aller pour de bon. On a tout fait pour vous avertir. Vous êtes moins malins que nous. Mais fallait-il que malgré tout, vous gâchiez toutes ces merveilles autour de vous. Salut et merci bien pour le poisson. Vous êtes en train de tout détruire. Votre terre n'a plus d'avenir. L'apocalypse est pour très bientôt de vous. Malgré les fils et les pêcheurs, beaucoup d'entre vous ont du cœur. Surtout vos femmes enceintes et vos petits enfants. Salut, salut, salut, salut, salut. Salut. Salut et merci bien pour le poisson. Si je devais faire un vœu, j'aimerais un poisson savoureux. S'il fallait recommencer, on apprendrait à chanter. Salut et merci pour le poisson, la comédie musicale de Dauphin que l'on peut retrouver dans H2G2, le guide du voyageur galactique. Peuple de la Terre, je suis le prosthétnique Vogon Geltz du comité de planification de l'hyperespace galactique. Comme vous le savez sans doute, le grand projet de développement de la grande périphérie galactique nécessite la construction d'une voie express hyperspatiale à travers votre système solaire. Et votre planète fait partie de celle que nous allons devoir démolir. Il est inutile de vous en étonner. Les plans et les avis de démolition sont exposés dans votre agence locale sur Alpha du Centaure depuis 50 de vos années. Si vous ne vous donnez pas la peine de vous intéresser à ce qui se passe près de chez vous, c'est votre affaire. Pitoyable planète apathique. Je n'ai pas la moindre compassion. Nicolas Botti, on disait pendant la chanson, on parlait du soin apporté à l'adaptation française de H2G2. Ouais. Et Disney avait vraiment voulu, justement, conscient du statut culte du livre, mettre les petits plats dans les grands. Tout à fait. Quand ils m'ont approché, c'était fin 2004, ils m'ont dit clairement, on nous a donc la maison mère nous a dit, nous a parlé de ça. On a vu que vous avez deux sites, vous avez interviewé le producteur exécutif du film. Voilà, on s'est dit que vous étiez peut-être la bonne personne avec qui parler pour ce projet d'adaptation. Et donc ils m'ont présenté Jean-Marc Panetier, qui lui a travaillé sur l'adaptation à proprement dit. Et Jean-Marc Panetier, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est le grand maître de. Excusez-moi. De la VF, Et c'est un directeur artistique exceptionnel. Et donc, oui, il y a eu un gros travail avant de, pour s'assurer qu'on ait exactement une traduction et une interprétation qui tiendra le, voilà, qui tiendra dans la longueur. Il voulait pas, dans 10 ans, taper des fans en fureur qui viennent leur dire qu'ils avaient fait n'importe quoi. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de soins apportés à. Pascal Godbillon, à quel moment avez-vous découvert H2G2 et qu'est-ce qui vous a plu personnellement dans ce livre? Alors moi, tardivement en réalité, parce que je suis fan de science-fiction depuis l'adolescence et j'ai découvert la science-fiction au moment où le livre était déjà traduit, donc j'aurais pu le lire, mais non. Et j'avais, comme je disais tout à l'heure, j'avais pas mal d'amis qui s'échangeaient ces codes et je les regardais un peu bizarrement, me disant mais de quoi il parle. C'est les soirées où on se sent un peu exclu. C'est ça, voilà. Alors il y avait ça et les films d'horreur et moi, bon voilà, mais c'est pas grave, ils étaient sympas quand même. Et non, j'ai finalement c'est quand j'ai pris la direction de la collection Folio SF, donc en 2006. Que je me suis plongé dans le fond immense. Il y avait d'autres choses que j'avais pas lues, Les Princes d'Ambre de Roger Zelazny, des choses comme ça, culte également. Et donc le Guide du Voyageur Galactique en faisait partie évidemment. Et je pense qu'évidemment ce qui marque tout de suite, c'est l'aspect effectivement burlesque, absurde. Enfin, on peut pas. Enfin, là, quand on écoute les extraits, on peut pas s'empêcher de sourire, mais c'est pareil, voire de rire. Et c'est pareil à la lecture du roman. Romain Nigita, justement, en écoutant le style d'écriture de Douglas Adams, on se rend compte à quel point ça a infusé, même dans énormément de séries modernes, je pense à Futurama, de Matt Groening, Rick et Morty, il y a quelque chose quand même de très très proche dans la manière de construire les gags et le décalage avec ce qui a été fait dans H2G2. Bah, je pense qu'il y a une influence commune. On a parlé des Monty Python tout à l'heure. Je pense que c'est toute une génération qui a grandi avec les Monty Python. Alors, je ne sais pas si Matt Groening a vu ou lu H2G2, mais évidemment, cette sensibilité commune. Moi, il y a une autre série britannique que je rapproche beaucoup d'H2G2, c'est Red Dwarf. Oui. Qu'on connaît un petit peu moins en France, mais c'est une sitcom de science-fiction qui se poursuit d'ailleurs toujours actuellement. Ils refont des saisons tous les 2-3 ans où on est aussi dans le détournement des grands mythes et des grandes figure de la science-fiction, mais avec des personnages très terre-à-terre qui veulent juste savoir ce qu'ils vont manger demain, grosso modo. Donc, et en effet, dans Futurama, on a ça, le personnage de Fry, qui est un personnage qui, lui, bah, vient de notre époque, qui se retrouve projeté dans le futur. C'est un petit peu équivalent d'Arthur Dent, qui, lui, ne change pas d'époque, sauf dans certains romans. Mais en tout cas, se retrouve projeté dans un univers et dans l'espace qu'il ne connaît pas. Donc, c'est vrai qu'on a ces figures un peu connues, traditionnelles de la science-fiction, mais tout ça avec un côté très terre-à-terre. Le personnage d'Arthur Dent dans Le Hitchhikers, qui se retrouve confronté à l'administration. D'abord, l'administration terrienne, puis l'administration spatiale. Je pense que c'est ce côté à la fois désenchanté de l'humanité et le côté rêveur face à l'espace, et ce mélange des deux là qu'on retrouve dans toutes les œuvres que vous avez citées, y compris Rick et Morty. Donc encore une fois, j'ai pas de preuves, je sais pas du tout si les créateurs de Rick et Morty par exemple ont vu ou lu Checker's Guide, mais je pense qu'il y a plus une certaine espèce de communauté d'esprit qui remonte au Monty Python. Je pense qu'ils sont vraiment incontournables dans cet esprit-là, et on retrouve également cet humour un petit peu plus discrètement. On le retrouve aussi dans Doctor Who, ça c'est clair. Ouais. Et est-ce que ça a été un succès immédiat? Alors on sait que le feuilleton était très populaire, mais quand ensuite ça a été adapté en livre, ensuite en série, en pièce de théâtre, est-ce que tous ces médias ont eu autant de succès que le feuilleton initial? Nicolas Botti. Oui, alors c'est vrai que en fait c'était vraiment un succès surprise, parce que Radio 4 ne voulait pas se lancer dans l'aventure au départ. Il leur a fallu, effectivement, il y a eu ce pilote et finalement ils ont dit oui. Mais vous voyez d'ailleurs, vous écoutez dans la série originale le premier épisode et les autres épisodes, ils sont très différents. Le premier épisode est assez sage, alors qu'à partir du deuxième épisode ça devient n'importe quoi. Et notamment au niveau des effets, parce que Douglas Adams, lui, il voulait faire l'album blanc des Beatles en série radio. Oui, parce alors, un grand amateur de musique aussi. Voilà, exactement. Pink Floyd, les Beatles. Tout à fait. David Gilmour, le guitariste des Pink Floyd, était l'un de ses grands amis. Et pour ses 42 ans, il a joué en scène avec Pink Floyd, donc à Londres. Donc voilà, oui, c'était des. Donc c'était un fan de musique et je ne sais plus où on en était. En fait, je posais la question de savoir si ça avait été un succès immédiat dans ces différentes moutures. Ouais, tout à fait, exactement. Et donc, en fait, ça a été un succès surprise, quoi. C'est-à-dire que Radio 4, ils avaient programmé ça les mercredis soirs à 22h. Autant vous dire qu'ils n'attendaient pas vraiment. Et puis, en fait, la BBC a commencé à se rendre compte qu'il y avait quelque chose quand ils ont commencé à recevoir des lettres avec les noms des personnages et ZZ9, plural Z alpha, qui sont les coordonnées de la Terre, dites dans la série. Là, ils se sont rendus compte, si on a même des courriers avec des noms imaginaires et des endroits imaginaires qui arrivent à la BBC, c'est qu'on a quelque chose. Et à la fin de la première série, effectivement, il y a eu cette demande, justement, un éditeur qui l'a approché pour le faire en livre. Tout ça est allé très très vite. Et après, le livre, je crois qu'il s'est vendu en 200 000 exemplaires. En quelques semaines, il était sorti directement en poche. Donc là, ça commençait vraiment à devenir un phénomène. Moi, ce que j'ai remarqué, j'ai découvert en 83-84 Douglas Adams et HG2, mais en Angleterre, parce que j'avais un correspondant anglais. Et la première chose que je lui avais demandé, qu'est-ce que je peux lire ? On était dans un W. Smith, qui est une sorte de maison de la presse, si vous voulez. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que je peux lire comme premier livre en anglais ? Et il m'a montré The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Et c'était à peu près un an après la diffusion de la série télé à la BBC. Donc en fait, c'est vrai que tous les Anglais, 40-50 ans, forcément, cette référence d'âge... Il faut bien préciser aux auditeurs que Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Voilà, exactement. C'est ce qui correspond à H2G2. Comme les auditeurs m'entendent dire depuis le début, oui. H2G2, ils disent, mais de quoi il parle? Du coup, on peut peut-être aussi revenir sur l'histoire du guide du routard galactique, parce qu'en fait, ça s'est appelé comme ça au début en France. Et en fait, les éditions du routard ont porté plainte contre l'éditeur pour dire, non, vous n'avez pas le droit d'appeler ça le guide du routard. Le guide du routard, c'est un... Donc, il y a eu une édition qui s'appelait Le Routard Galactique. Et là, ils disent, le mot, le routard, c'est à nous. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, ils ont appelé ça le guide galactique. Donc c'est-à-dire que même si j'utilise le mot routard chez moi, je suis pas... Il est impossible que je les vois débarquer. Non, mais là, on a mis le CSA sur le coup. On l'a déjà prononcé 22 fois. On l'a trop dit. Ouais. On va bien évidemment continuer de parler de H2G2, comme ça, pas de problème. Mais pour l'instant, on va écouter Arcade Fire avec la chanson parfaite quand on s'est fait lourder et qu'on a envie de marcher sans but dans la ville ou en forêt. Les joues maculées de larmes. On écoute Unconditional High. Look out, kid, trust your heart. You don't have to play the part they wrote for you. Just be true. There are things you could do that no one else on earth could ever do. But I can't teach you, I can't teach it to you. Look out, kid, trust your mind. But you can't trust it every time. You know it plays tricks on you, and it don't give a damn if you're happy or you're sad. But if you've lost it, don't feel bad, 'cause it's alright to be sad. Shake, things will break, you make me. Arcade Fire, Unconditional High. Vous êtes bien sur France Inter. Blockbuster. C'est une super émission, on dit plein d'horreurs avec Frédéric Sigrist. Nicolas Botti, Douglas Adams, quand il a commencé à voir le succès grandissant de son œuvre, est-ce qu'il a eu l'impression finalement d'être parvenu à intégrer les Monty Pythons de manière détournée? Alors c'est très drôle parce que quand ils ont commencé à faire la publicité de H2G2 en Angleterre, aux États-Unis, il fallait bien vendre la chose. Et en fait, on faisait croire à tout le monde que, enfin, les éditeurs avaient commencé à répandre la rumeur que Douglas Adams c'était le sixième Monty Python. Vous savez. Alors que c'est très drôle parce que c'est Terry Gilliam, donc on voit rarement à l'écran, mais qui est le seul américain de la bande. Ah oui, donc en fait, il a quelque part, au niveau commercial, au niveau oui. Public relations, il a réussi son, il a oui, son oui, tout contrat. À fait, bien sûr. Et puis, il a eu une amitié durable avec plusieurs membres des Monty Python, dont Terry Jones, qui a écrit, adapté le scénario du jeu vidéo qu'il avait conçu à la fin des années 90 avec sa boîte The Digital Village. Pascal Godbillon, quel est votre personnage favori dans cette histoire ? Difficile. Mais je m'identifie facilement à Arthur, moi, personnellement. Je me verrais bien avec ma serviette un matin, arrivé au boulot chez Gallimard, en me disant, mais tiens, mais j'ai dû oublier un truc. Non, ouais, ce personnage de paumé dans l'univers, je sais pas, moi je me retrouve bien là-dedans, ouais. Romain Nigita ? Bon, je ne vais pas dire Arthur, du coup, pour pas être redondant. Vous pourriez, hein. Vous pouvez être deux à être en peignoir au boulot, ouais. Vraiment. Non, mais selon les jours, ça pourrait être Marvin, l'androïde dépressif. Donc l'androïde qui est, parce que dans ce futur, enfin dans cette galaxie, les intelligences artificielles ont des personnalités véritables, et donc on a un androïde qui est déprimé, qui n'hésite pas à le dire à tout le monde, et ça, même ça sert un peu d'arme à la fin de l'histoire. Donc oui, c'est un personnage que je trouve absolument génial, surtout parce qu'il ose tout dire. Oui, c'est souvent la qualité du dépressif, voilà. C'est qu'il en a plus rien à faire. Voilà, exactement. Nicolas Botti ? Ouais, je sais pas. À certains moments, en fait, comme je peux être bipolaire, voire tripolaire, je me sens entre Arthur Dent, Marvin et Zaphod Beeblebrox. Donc ça, c'est le personnage de président de la galaxie à mi-temps, qui est également très drôle. Et ben voilà. Bon choix. H2G2 a été adapté en film et rien que l'idée d'en faire un film, il y a des gens, ils n'aiment pas. Vous ne pouvez pas faire du Douglas Adams en vous la jouant Douglas Adams. C'est une perte de temps. Ce qui est si spécial et si beau dans ses livres, c'est que tu l'écoutes lui qui te raconte une histoire. La raison pour laquelle Le Guide du Voyageur Galactique ne marchera jamais vraiment en film, c'est parce que le diable est dans les détails. Ce qui est si spécial dans son travail, ce sont les détails, et il y en a tellement. Donc à chaque fois que vous adaptez ça, la moindre de ses intrigues, de ses histoires, de ses personnages, vous allez devoir couper du gras. Et vous ne pouvez pas, parce que Douglas Adams, c'est pas du blanc de poulet, c'est de la poitrine de porc. Chaque morceau de gras que vous perdez vous fait aussi perdre du goût, jusqu'à vous retrouver avec une histoire fade sur un détective excentrique. Vous ne voulez pas une histoire fade avec un détective excentrique. Vous voulez un moine électrique qui remonte le temps. Vous voulez un oiseau qui fait office d'avion. Vous voulez des dieux nordiques en fauteuil roulant. Et c'est pas possible de mettre ça en place sans que ça soit une catastrophe vouée aux oubliettes. On vient d'entendre Max Landis, le fils du réalisateur John Landis, qui est lui-même scénariste et un peu réalisateur et acteur. Et c'est notamment lui qui a écrit les scénarios de Chronicle, de Josh Trank, pour les connaisseurs. Et Pascal Godbillon, que pensez de cette affirmation qui dit qu'on ne peut pas adapter en film le travail de Douglas Adams ? Elle est sans doute en partie vraie. Et en partie fausse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on part du principe qu'on est sur une adaptation, inévitablement, on peut tout. La réalité, c'est que c'est sans doute plus difficile de faire une adaptation qui satisfasse tous les fans. Elle en satisfera certains, elle en décevra d'autres. Chacun n'y trouvera pas justement le personnage qui l'intéresse ou la réplique qu'il a retenue. Donc c'est très difficile. Au final... bon, c'est personnel. Moi, je suis moyennement convaincu par le film. Je trouve Voilà, je trouve que c'est effectivement pas réussi, mais c'est mon point de vue et je suis sûr qu'il y a des fans qui, eux, au contraire, y ont retrouvé tout ce qui faisait le plaisir de leur lecture. Donc, je comprends ce qu'il dit. Cela étant, je pense que sans doute, il était difficile de faire beaucoup mieux que ce qui a été fait. Maintenant, moi, ça m'a pas satisfait. Romain Nigita ? Je trouve que la grande réussite du film H2G2, c'est d'avoir su trouver un sens de l'humour via des gags visuels. Ce qu'on n'a évidemment pas du tout, ni dans la version radio, ni dans le bouquin. Et ce qu'on n'avait pas du tout dans la version série télé de 81, qui était une adaptation très fidèle de la version radio et de la version livre, mais qui n'inventait pas grand-chose au niveau visuel, à part les petites séquences d'animation pour représenter Guy dans lui-même. Je trouve vraiment la très grande invention du film, c'est la manière dont le réalisateur Garth Jennings, qui maintenant travaille dans l'animation, c'est lui qui a fait les films tous en scène, notamment avec les animaux qui chantent. Il a vraiment créé beaucoup de gags purement visuels qui cartonnent d'ailleurs. Tous en scène, ça cartonne tout à fait. Et dans le H2G2, il y a beaucoup de gags qui reprennent sur un sens de l'humour loufoque, mais qui sont des pures inventions de mise en scène. Mmh. On a entendu le son tout à l'heure, mais on n'avait pas l'image. Il y a un espèce de zoom arrière justement quand les vaisseaux Vogon arrivent sur Terre, et ce zoom est interminable. Je pense que ça en devient drôle parce qu'il est interminable. On a l'effet quand le vaisseau avec le moteur improbabilité, les personnages se transforment, et là on a des transformations qui sont purement visuelles. Un coup il se transforme en canapé, un autre coup il se transforme en petit personnage tricoté en laine. Je trouve que c'est vraiment là que le film est très très fort. Après, sur l'intrigue, en effet, il fallait avoir une intrigue avec une espèce d'évolution. Il y a un petit ventre mou au milieu avec un MacGuffin, donc un objet qu'il faut trouver pour faire avancer l'intrigue. Mais je trouve que globalement, je vois pas comment ils auraient pu s'en sortir mieux. Évidemment, on coupe des choses. Le film dure moins de 2 heures. Il a quand même été en partie écrit par Doug Adams, même si le film s'est tourné suite après son essai. Il a quand même beaucoup travaillé. Il n'a pas vu le résultat, mais il a quand même beaucoup écrit de versions différentes du film. Je crois qu'il a fallu quasiment 20 ans que le film se fasse. Plein de réalisateurs sont passés dessus. À une époque, c'est Ivan Reitman, le réalisateur de Ghostbusters, s'y intéressait. Ensuite, c'était Jay Roach, le réalisateur de Austin Powers. Et finalement, Garth Jennings, ce qu'il a réalisé, c'est quelqu'un qui venait du clip, qui a fait notamment le clip de Right Here, Right Now de Fatboy Slim. Donc on a un peu cet humour et ce style visuel de ce début des années 2000, les cinéastes indépendants qui faisaient du clip, un peu cet esprit Michel Gondry, grosso modo. Mmh. Le casting reflète un peu ça. Le casting est phénoménal. C'est ça. On Martin Freeman, Mos Def, Sam Rockwell, Zoé Deschanel, John Malkovich, Bill Nighy, évidemment Alan Rickman, Helen Mirren. Il y a quasiment tout ce qui compte d'acteurs ou d'actrices anglais du moment qui sont apparus des fois pour les premières fois dans ce film. C'est ça, on a aussi, c'est un peu la génération Edgar Wright, donc qui faisait à l'époque Shaun of the Dead, donc on est vraiment dans cette filiation. Et qui a fait Last Night in Soho dernièrement. Exactement, donc on est, que ce soit dans le casting, dans l'écriture, dans la mise en scène, on a cet esprit très britannique, même si en effet c'est produit par Disney, même plus que Disney à l'époque, c'était Touchstone Pictures, c'était quasiment la fin de Touchstone, qui était le label adulte de Disney, qui finalement a disparu quelques années plus tard. Donc on a un peu, j'ai envie de dire, le meilleur des deux mondes. On aurait pu s'attendre au pire des deux mondes, qu'une grande boîte américaine adapte le summum de l'humour britannique, et en fait, je trouve que on a la meilleure réussite possible. Alors, en effet, si on est absolument puriste, on a qu'à réécouter la série radio. Bon, alors il y a peut-être un petit peu un conflit d'intérêt là, Nicolas Bottis, si vous pose la question. J'ai travaillé avec Disney, donc du coup je suis pas. Mais moi, c'est exactement ce que j'avais estimé à l'époque, c'est-à-dire que c'était la meilleure version de H2G2 possible qu'on puisse faire en film, parce que fallait pas rêver. Évidemment, en fait, il y a eu vraiment, les fans se sont retournés contre le film et d'une façon extrêmement violente. Globalement, je suis l'un des seuls encore aujourd'hui. Ça n'arrive jamais. Il n'y a aucune communauté de fans qui soit violente. Mais encore à ceux de Star Wars. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, disons que la première version de H2G2, c'est une version radio. Donc, en gros, c'est basé sur les mots. Donc quand vous commencez par exemple avec la première scène de H2G2 où Arthur se retrouve devant les bulldozers et t'as Prosser, donc le chef des fonctionnaires, qui vient le voir en disant qu'il doit se mettre debout parce qu'il faut qu'il rase leur maison, c'est un dialogue qu'il fait dans la série radio, ça va faire 2 minutes environ, et dans le film ça dure 20 secondes, évidemment c'est expédié. Alors évidemment là vous avez vous pouvez pas couper les dialogues de Douglas Adams, pas possible. C'est pour ça d'ailleurs que la série télé, elle, avait été bien reçue, parce que c'est une adaptation littéraire, il n'y a rien qui ait changé, quoi. Mais on peut, après, c'est une obsession personnelle de Douglas Adams de voir un film porter, il y a consacré ses 20 dernières années de sa vie. Savoir que Douglas Adams, il ne voulait pas être écrivain, il voulait être rockstar. Et donc, pour devenir rockstar, ben, si ton film, ton livre culte peut être adapté en film, forcément, ben, voilà, ça t'aide quand même. Pas. Tout à fait. Et surtout qu'il avait le train de vie d'une rockstar aussi. Alors, quand t'es, pareil, quand t'es juste écrivain, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais du coup, voilà, il a fait toutes ses démarches dans les années 90. Il a écrit je ne sais combien de versions de ce scénario. Quand il est mort, à la fin de sa vie, il s'est installé à Santa Barbara, je crois. Enfin bon, à côté d'Hollywood. Et voilà, pour justement, il avait signé en 2000 avec Disney qui avait dit « Ok, on y va maintenant, travaillez avec Jerrod, ramenez-nous un vrai scénario digne de ce nom. » Voilà, le seul truc en fait, ce qui pose débat, c'est que Douglas Adams est mort en 2001, et il avait dit peu de temps avant qu'il avait une version finale pour lui, finale de H2G2, et que voilà, c'était bon. C'était prêt, on était prêt à y aller. Et en fait, il est mort en 2001 de façon complètement dans un gymnase. Pardon. En fait, voilà, il avait un exercice, il voyait un coach pour faire des exercices physiques pour se remettre en forme. Il a eu un arrêt cardiaque. Il est mort comme ça. Personne ne s'y attendait. Ouais. Et donc là, il y a eu silence pendant un an ou deux. Le et Jay Roach, qui donc devait être le réalisateur du film, a de ses propres argent financé la réécriture du studio. Il a demandé à le scénariste, alors c'est un Américain qui avait bossé sur Chicken Run, qui est un film d'animation anglais et qui avait très bien marché. Donc ils se sont dit, tiens, il doit bien comprendre l'esprit anglais, allez hop, tu nous finalises ça. Et en fait, le problème, c'est que tous les fans, on ne sait pas quelle est la différence entre la version laissée par Douglas Adams et... Mais moi, je pense qu'il y a bon nombre de concessions qui ont été faites, comme la relation d'amour entre Arthur et Trillian, hein, qui n'existe pas du tout dans les autres versions, qui sont des concessions de Douglas Adams pour justement que ça soit ça attirer l'approbation de Disney. On va continuer de parler d'H2G2, mais on arrive bientôt à la dernière partie de cette émission, mais pour le moment, on écoute Donna Blue, qui nous chante solitaire dans un charmant français Google Trad. Solitaire de Donna Blue dans Blockbuster sur France Inter. Pensée profonde. As-tu notre réponse? Oui, mais elle ne va pas vous plaire. Aucune importance. Il faut absolument qu'on le sache. Très bien. La réponse à la grande question sur la vie, l'univers et tout ce qui est, se trouvait 42. 42 ? Oui, oui, j'y ai mûrement réfléchi. La réponse est 42. Il est vrai qu'il eût été plus simple de connaître la question exacte. Mais enfin, c'était la question exacte. La grande question du sens de tout ce qui est. Cela n'est pas une question. Lorsque vous connaîtrez la question, alors seulement vous comprendrez la réponse. Dans ce cas, dis-nous quelle est la question exacte. Je ne peux pas. Mais il en est un qui le pourra. Un ordinateur capable de comprendre la grande question. Un ordinateur d'une telle complexité que la vie même fera partie intégrante de son processeur. Et votre race devra naviguer à bord de cet ordinateur sous forme primitive tout au long des 10 millions d'années pour lesquelles il aura été programmé. Pascal Godbillon, on a la réponse à toutes les questions qu'on ne s'est même encore jamais posées, ouais, 42. 42, oui. Mais au bout de la lecture de ce guide du voyageur galactique, a-t-on vraiment compris 42? Bien sûr, inévitablement. Non, mais chacun, je pense, se fait son idée sur ce 42. Et c'est devenu un gimmick, clairement. Je crois que, 42. Tout à l'heure, on parlait des séries. On m'a parlé d'une série canadienne, je crois, dont le vaisseau s'appelle, je sais pas quoi, 42, genre Discovery 42, ou je sais pas quoi. 42, c'est clairement. Mais je crois que ça fait 43 ans hein, que. C'était l'année dernière qu'il fallait faire l'émission, en fait. Je suis désolé. Oui. Mais en même temps, je suis toujours un petit peu dans une faille spatio-temporelle, et donc, je suis arrivé trop tard. C'est normal, voilà. On va dire que ça fait 42 ans dans un univers parallèle. Et alors, il y a autre chose que j'aimerais vous demander au sujet de H2G2, c'est bien évidemment, quel est cet événement qu'on appelle le jour de la serviette? Alors ça, Nicolas Botti. C'est effectivement, après la mort inattendue de Douglas Adams en 2001, en fait, très rapidement parmi les fans, on a décidé qu'il fallait un jour, chaque année, pour célébrer la mémoire de Douglas Adams. C'est au mois de mai. Hein. Donc voilà, ouais, c'est le 25 mai, donc il a été décidé que c'était tous les 25 mai, et donc tous les 25 mai, les fans de Douglas Adams ne peuvent pas sortir sans leur serviette. Voilà, et donc d'où du coup, depuis 2008, avec le Grand Ordre de la Serviette, on organise chaque année, donc le jour de la serviette à Paris, et donc on a fait des événements à la gare du Nord, on a fait les Olympiades de la serviette, c'est les Jeux Olympiques, mais en fait avec des serviettes. Voilà. Alors c'est l'anniversaire de le 25 mai, c'est l'anniversaire aussi de Manourax, l'attaché de production de cette émission. Bah, tout à fait. Qui est donc né le jour de la serviette. Ouais. Mais pour les éditeurs qui doivent vraiment se dire, mais là on a affaire à une bande de doudingues, il faut expliquer en quoi la serviette est l'outil indispensable pour un voyage intergalactique. Oui, en fait, la façon de savoir si quelqu'un est apte à survivre dans l'espace et un bon autostoppeur dans l'espace, c'est justement de regarder s'il a sa serviette. Parce que s'il a sa serviette, c'est que vous pouvez lui faire totalement confiance. Et une serviette, c'est très utile dans l'espace. Vous pouvez vous en servir comme arme, vous pouvez vous servir pour dormir dessus, vous pouvez vous en servir de mille façons. Et donc, on peut s'en servir comme rame aussi, si on l'attend, comme ça. Ouais. Et donc, il y en a aussi qui l'utilisent pour se nourrir aussi. Tu peux injecter des éléments de nutrition dedans. Enfin, ça a 10 millions de... Oui, et il y a même des races extraterrestres qui, si jamais ils vous voient avec une serviette, se disent « Oh, mais cet homme-là, il a forcément aussi une brosse à dents. » Voilà, exactement. Il a forcément aussi... Tout à fait. Donc, il y a tout ce qui va avec. Et s'il ne l'a pas, je vais lui fournir parce que... Ouais, exactement. Ou alors, s'il ne l'a pas, c'est que bon, vous pouvez le laisser crever dans son coin. C'est quelqu'un qui, de toute façon, n'est pas de confiance et n'arrivera jamais à survivre. Voilà. Roman Higita, Douglas Adams fait aussi partie de ces auteurs qui ont su très vite s'intéresser à l'univers du jeu vidéo. Et il a développé comme ça des jeux. C'est assez rare d'avoir quelqu'un qui aussitôt a su sentir les œuvres cross-média. Ben, je crois qu'il était déjà vraiment passionné d'informatique. Il me semble que son père, à une époque, a été représentant pour une marque d'informatique, si je dis pas de bêtises. Brièvement. En tout cas, Douglas Adams, lui, était passionné de Mac. C'était ouais. C'est un peu qui vend la serviette pour lui, c'est de voir si quelqu'un utilise un Mac, c'est quelqu'un de confiance, et s'il est PC, par contre, c'est un gros problème. Et il a notamment développé en effet un jeu vidéo qui s'appelait Starship Titanic. On en a parlé tout à l'heure. Il était l'un des premiers à créer un site web autour de son univers. Jeux2.com justement. Voilà. Et en effet, ces histoires déjà avant même Internet, il les racontait, que ça soit en radio, en télé, en livre. Il recyclait même un peu ses intrigues d'un livre à un autre, d'un scénario non terminé. On retrouve des éléments de ces épisodes de Doctor Who dans certains des romans de Dirk Gently. Ouais. Max Landis, qu'on a entendu s'exprimer, a justement réalisé des épisodes, a travaillé sur... Sur la version américaine, il y a une version britannique aussi. Et donc ça, c'est deux romans sur un détective privé, justement, à qui il arrive plein de trucs. Et dans le premier roman, on retrouve à la fois des éléments de City of Death, dont je parlais tout à l'heure, l'épisode de Doctor Who. Et puis également d'un autre épisode de Doctor Who qui n'a jamais été terminé à cause d'une grève de la BBC. Mmh. Il a recyclé ça. Il a recyclé également pour le troisième roman de H2G2, c'était un scénario qu'il avait écrit pour un projet de film Doctor Who. Doctor Who et les Cricket Men. Donc voilà, il avait aussi cette faculté à recycler un peu tout ce qu'il avait écrit, toutes les petites notes qu'il avait écrites, et ce qui a aussi beaucoup servi pour ceux qui ont tenté de continuer son œuvre après sa mort. Il y a un autre roman qui a été écrit à partir de ses notes et de ses archives, qui a également été adapté à la radio. Donc c'est un peu un recyclage continuel, l'œuvre de Doug Adams. Pascal Godbillon, si jamais, parce qu'on s'approche quand même de la fin de cette émission, si on doit conseiller aux lecteurs de se lancer dans la lecture de Douglas Adams, est-ce qu'on peut leur dire, les yeux fermés, aller sur une version française, ou est-ce qu'il faut encore plutôt mieux le lire en version originale ? De toute façon, je crois que c'est vrai de n'importe quelle œuvre. Si on a la possibilité de la lire dans sa langue originale, il vaut mieux le faire. Là, a fortiori, lorsqu'on parle d'humour, lorsqu'on parle de nonsense, lorsqu'on parle... Mais j'ai envie de dire, même moi, les Monty Python, quand je les voyais ados, en sous-titres, je comprenais rien, quoi. Ça me faisait pas rire. C'est après, quand j'ai un peu mieux compris l'anglais, que ça a pris son sens. Donc, si on parle anglais, il faut y aller sur l'anglais. Après, avec ses qualités et ses défauts, la version française fait largement son œuvre. Très bien, merci. C'est la fin de cette émission. Merci Romain Nigita, Pascal Godbillon et Nicolas Botti. J'espère qu'on a fait découvrir aux auditeurs l'art de l'autostoppeur galactique. Cette émission est réalisée par Céline Hila. Elle a été préparée par Manon Rax et Benjamin Ducy avec l'aide de notre stagiaire réalisation Benjamin Woodcock. Et aujourd'hui à la technique, Henri Bérec et François Saint-Jour au mixage. Je rappelle que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler directement avec moi sur le Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Braves gens de la Terre, une tournée générale. Et buvez à ma santé. Vous êtes sûr que c'est la fin du monde ? Oui. Alors on s'allonge sur le sol, on se met un sac en papier sur la tête, vous croyez ? Oh, si vous voulez. Ça va servir à quelque chose ? Pas du tout. Dernier verre alors. Demain, dans Blockbuster, on va parler de charge mentale, d'assignation à des rôles genrés. On parlera aussi des foyers monoparentaux, de l'hypersexualisation des adolescentes. Bref, demain, on va faire un Blockbuster hyper woke et engagé. On parlera de Madame Esservie. France Inter.